Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Mérovingien. Alors aujourd'hui, on va parler de braqueurs, de criminels, de hackers. Vous savez, vous avez les braqueurs qui faisaient des braquages mémorables. En 1911, la Joconde est volée au musée du Louvre. Dans les années 30, ce sont les acolytes Bonnie and Clyde qui écument les banques. Leur but est de faire de l'argent. Dans un autre niveau, les entreprises se sont toujours livrées dans des batailles d'espionnage industriel. Et au dernier niveau, il y a les espions qui effectuent des opérations de sabotage ou de vol de documents. Lorsque les Allemands occupaient la France, la résistance française sabotait les lignes de train ou leurs liens de communication. Aujourd'hui, un nouveau terrain de guerre s'est créé par la numérisation de nos sociétés et de nos États. On y retrouve des criminels, des entreprises, et des espions. Mardi 8 décembre 2020 est une de ces batailles mémorables. L'entreprise de référence en cybersécurité FireEye annonce que des braqueurs sont entrés dans leur système. Mais le fait que l'entreprise qui s'occupe de la cyberdéfense des plus grandes entreprises se soit fait hacker n'est pas la plus inquiétante nouvelle de cette histoire, avec ce qui a suivi lundi 14 décembre. Remontons avant la période entre mars et juin 2020, en pleine crise Covid. Le groupe d'attaquants s'infiltre dans les serveurs de l'éditeur de logiciels SolarWinds. La méthode dont ils ont pu accéder à ces serveurs n'est pas encore connue, et l'enquête est en cours. Certains ont pu trouver des mots de passe qui ont fuité, mais selon les journaux, qui citent des chercheurs, des accès aux serveurs SolarWinds auraient pu être vendus sur des forums underground. En tout cas, les pirates ont pu accéder au serveur de l'éditeur SolarWinds. Une fois qu'ils y accèdent par une porte, ils bougent dans le réseau, ils se créent un accès persistant et commencent leurs opérations. SolarWinds édite notamment un logiciel Orion, qui est un logiciel de NMS, Network Management System. Ce logiciel permet de gérer tous les équipements réseau d'une entreprise. Il les interroge régulièrement, tous les routeurs ou les switches, pour savoir leur état et détecter les pannes ou des attaques informatiques. C'est un élément central de l'administration des réseaux informatiques et donc une cible parfaite pour des pirates informatiques. SolarWinds fournit 300 000 clients, c'est une référence. Et parmi ces clients, on trouve les grandes entreprises de Fortune 500 et la majorité des institutions du gouvernement américain, FBI, NSA, ainsi de suite. Et bien sûr, vous l'avez deviné, FireEye. Une fois que les pirates ont accès au serveur de SolarWinds, ils ont pu envoyer leur malware Sunburst, développé avec soin par des développeurs chevronnés. Classiquement, en cybersécurité, il existe des défenses contre les malwares virus. On lance des logiciels dans des sandbox, bacs à sable, des sortes de machines virtuelles cobayes, qui étudient le comportement du logiciel pour vérifier qu'il n'est pas malveillant. Cela peut durer un ou 2 jours ou plusieurs heures. Mais dans notre cas, le malware développé par les pirates a déjoué toutes les détections. Il vérifiait s'il était sur un réseau vocal, local, si il y avait un antivirus Microsoft, et il attendait 14 jours pour se lancer, pour passer sous les radars comme un agent dormant. C'est inédit comme comportement. En fait, le virus attendait comme une charge avant de se déclencher 14 jours. Donc, personne ne l'a détecté. Les attaquants voient dans le temps long. Donc, en général, dans un processus classique d'informatique, l'étape bac à sable ne dure pas autant de jours, et le malware va donc passer toutes les barrières. C'est comme si vous faisiez croire au braqueur de banque qu'il est effectivement dans la banque, que vous observiez son comportement, mais qu'il attende 14 jours dans la banque sans rien faire d'anormal avant de braquer la banque. Le vigile, une fois qu'il a vérifié, qu'il va le laisser rentrer, et va contrôler les autres personnes. Les attaquants sont donc qualifiés rapidement de sophistiqués. On a vu qu'ils l'étaient dans leur processus de développement de leur outil, mais ils le sont aussi dans leur infrastructure. Pour chaque victime, une nouvelle infrastructure est mise en place. Vous avez donc ce groupe d'attaquants qui est infiltré dans les serveurs de l'éditeur SolarWinds, qui envoie son malware et garde des accès persistants à ces serveurs. Mais SolarWinds n'est pas la cible. Ce sont ses 300 000 clients. Dans toutes ces entreprises, le processus de cybersécurité demande la mise à jour régulière des logiciels. C'est la base pour se protéger des vulnérabilités. Mettez à jour vos logiciels. Et le logiciel Orion ne fait pas exception. Il reçoit donc les mises à jour de son éditeur SolarWinds à partir de ses serveurs. Ces mises à jour sont signées électroniquement par l'éditeur pour prouver que vous ne téléchargez pas un virus d'une personne malveillante. Mais dans notre cas, les attaquants ont accès au serveur SolarWinds. Ils vont donc piéger la mise à jour avec leur virus et signer avec une signature officielle de SolarWinds. C'est comme lorsque vous recevez la mise à jour de Windows ou de Word ou de Mozilla. Si cela vient du bon serveur officiel et que la mise à jour est signée, vous l'acceptez. Tous les clients vont télécharger la nouvelle mise à jour et vont donc être infectés. Le nombre d'infections potentielles a été estimé à 18 000 selon une communication officielle de SolarWinds. Elles ont été réalisées sur la période de mars à juin 2020 et ce n'est qu'aujourd'hui que l'on s'en rend compte. FireEye est dans cette liste de clients. Il télécharge donc la mise à jour piégée du logiciel. L'attaquant est dans la place. Il entre dans le coffre-fort et on ne sait pas encore ce qu'il a pris. Et il y a deux choses qui doivent l'intéresser. La première chose, ce sont les outils de hacking que FireEye utilise pour auditer la sécurité de ses clients. Les professionnels testent en effet la sécurité des entreprises avec des outils similaires aux pirates pour aider les entreprises à améliorer leur défense. FireEye étant un leader du marché, ces outils sont très perfectionnés. C'est une véritable armurerie. FireEye a donc réagi rapidement et déclaré publiquement qu'il s'était fait attaquer et que ses armes avaient peut-être fuité, qu'il n'y avait pas de faille 0D. Une faille 0D, c'est une vulnérabilité d'un logiciel qui n'est pas encore public et pas patché. Donc pas de faille 0D, mais quand même des armes assez importantes ont peut-être été volées. Donc FireEye a publié publiquement les contre-mesures contre leurs propres outils. La deuxième chose qui peut intéresser les pirates, ce sont les données sensibles sur tous les clients de FireEye. Ces données liées à la cybersécurité ou aux infrastructures des clients de FireEye pourraient être une vraie mine d'or pour ces attaquants. Le PDG de FireEye, Kevin Mandia, a déclaré « Cette attaque est différente des dizaines de milliers d'incidents que nous avons traités depuis des années. Ils ont opéré clandestinement en utilisant des méthodes qui contrecarrent les outils d'analyse de sécurité de Forensic. Ils ont utilisé une nouvelle combinaison de techniques dont nous ou nos partenaires n'avons pas été témoins par le passé. » Il a aussi déclaré « J'ai conclu que nous sommes témoins d'une attaque par un pays doté de capacités offensives haut niveau, et surtout que les attaquants ont cherché principalement des informations relatives à certains clients gouvernementaux. » La cible de l'actualité a malheureusement confirmé ses soupçons. Les institutions du gouvernement américain qui se fournissent chez SolarWinds ont aussi été attaquées. Le gouvernement américain est en alerte. Sénateur Mitt Romney a déclaré « Une cyberattaque de cette nature est presque l'équivalent moderne d'un bombardier russe reporté comme volant, sans être détecté sur tout le territoire. Ils n'ont pas lâché de bombe, mais ils ont la capacité de montrer que nos défenses sont extraordinairement inadéquates. » L'agence responsable des sujets de cybersécurité, la CISA, a déclaré que ça allait être très dur à sortir les hackers et a demandé de déconnecter SolarWinds de toutes les entreprises. Microsoft, qui a été aussi touché, a déclaré que les attaques étaient sûrement encore en cours. Parce que là, on parle d'une attaque qui aurait été déclenchée en mars 2020 et on s'en est aperçu il y a quelques semaines. Donc on a une longue période où il va falloir savoir si les attaquants ont pu accéder sur les entreprises, donc depuis mars. Il va falloir regarder tout ce qui s'est passé depuis mars dans les logs des ordinateurs. Ça va être très long. Et il va falloir voir si les attaquants sont encore dans la place. Si on qualifie donc cette attaque avec quelques termes techniques supplémentaires, on peut dire que cette attaque est une attaque par la chaîne logistique, puisque les attaquants ont attaqué indirectement leur cible. Ils ont attaqué le fournisseur SolarWinds. Le malware installait une backdoor, cela permettait un accès parallèle aux accès officiels. On peut parler aussi des indices de compromission, donc les IOC, Indices of Compromission en anglais. Ça permet d'identifier les groupes d'attaquants, parce que c'est ça la question. Qui a fait cette attaque ? FireEye est d'ailleurs le leader pour fournir ces informations sur les groupes d'attaquants pour aider la communauté à les identifier. Mais cette fois-ci, même si les indices récoltés par la victime sont publiés publiquement pour aider la communauté à détecter les intrusions, les experts préviennent que les attaquants s'adaptent et changent leur méthode ou outil. Ils laissent des traces différentes, ils étudient comment donc les entreprises essaient de les repérer et ils vont changer le serveur, l'IP, le logiciel pour essayer de passer encore sous les radars. Les recommandations pour les entreprises sont les suivantes. La première recommandation générale est d'avoir un plan de gestion d'intrusion, que vous soyez équipé en détection avec des logs réguliers, que vous ayez un plan de crise sur lequel vous entraînez, notamment qui prévenir en cas d'incident, quelle communication, quelle équipe mettre en place. La deuxième recommandation est de mettre à jour son modèle de menace. On pourrait notamment du coup inclure les nouvelles techniques d'attaque qui ont été utilisées lors de cette attaque. Et enfin, donc les recommandations spécifiques à court terme, si vous utilisez SolarWinds, il faut regarder quelle version vous utilisez pour savoir si vous êtes compromis. Recherchez dans vos journaux, dans vos logs, 6 mois en arrière pour savoir avoir des traces éventuelles de ce groupe d'attaquants. Et si vous n'utilisez pas SolarWinds, il faut évaluer la surface d'attaque. Donc regardez si vous utilisez un logiciel de NMS du même style et regardez les recommandations officielles des éditeurs et des organismes gouvernementaux. Donc voilà, merci pour d'avoir écouté ce premier épisode sous l'attaque de SolarWinds et de FireEye. Il va y avoir une suite, je vous tiens au courant.